Bon. Salut tout le monde, c'est le Big Ben. Antithèse. Juste Gamer. Arcade Crash Dinner Rétro. Yo. Pour le podcast des accros, bienvenue à cette édition du 11 février 2014. Comment ça va tout le monde? Mais avant toute chose, on a un invité qui fait partie de qui se joint à nous ce soir. Je vous présente Michael, qui est... Planifier, hey, à soir, ça va-tu bien, Colin? Excuse-moi. Le podcast des accros, c'est humain et on aime ça comme ça. Et on se trompe. Super. Sound Programmer chez Ubisoft. Comment ça va, Mike? Ça va bien. Mais c'est pas pour ça que tu m'invites à soir, alors. Ben non, ce soir, on va parler de jeux hackés et jeux homebrew. Ouais. On va également parler un petit peu de ce que tu fais dans la vie en tant que tel également, vu que c'est tout relié à peu près dans le même monde, c'est ça qui va être le fun. Ouais, moi j'ai commencé en faisant des traductions de jeux rétro, fait qu'en faisant des homebrew, des hacks, c'est comme ça que j'ai commencé, tu sais. Nice! Ça va être le fun de jaser de ça avec toi aujourd'hui. Sinon, quoi de neuf, la gang? Ah! On commence! On mange du Crab Dinner. Ok, ouais. ça c'est un bon commencement. Bon début. vas-y, Antithèse, qu'est-ce que tu joues cette enceinte? Continué à jouer à Endless Frontier, je continue à jouer à War Sword. Et là, il faut que je fasse une confession des accros. Je dois commencer ce podcast avec ce qui est sûrement le plus gros fail à date. Je suis en train de jouer à Link Between Worlds, que j'ai d'ailleurs officieusement fini. Pourquoi est-ce que j'ai officieusement fini? Eh bien, c'est parce que ma 3DS n'avait plus de batterie. Alors, pendant que la séquence de fin jouait, eh bien, ma 3DS a dit « Je mourus ». Tu mourus? Fail. Fail. Suite. Phoenix Wright. Je joue aussi à Phoenix Wright, qui est toujours très le fun. Ok. Juste un gamer de ton côté? À part Lovely Miss Canada cette semaine, j'ai pas joué grand chose, mais par exemple, je suis allé au Barcade de McFly à Québec. Plusieurs fois. C'est quoi le Barcade de McFly? Le Barcade McFly, c'est un petit bar où il y a des arcades rétro. Là-bas, on peut jouer à Galaga, on peut jouer à Centipede, on peut jouer à Mario Bros, l'arcade, il y a des machines flipper, il y a Xevious, Track and Field, c'est ça. Là, la thématique du bar, c'est le style rétro, les 70-80, là. Est-ce que ça ressemble beaucoup au Funzo que qu'on est allé? Non, ça n'a rien à voir. Là. Carrément différent. Là. C'est McFly? C'est à cause de McFly. C'est l'arcade, finalement. Martin McFly, tu sais, les années 80. Comme... C'est pour Back to the Future? Genre. Puis, il y avait aussi une table de Mrs. Pac-Man dont je me suis amusé avec ma femme. C'était très le fun. Nice. Donc, tu nous amènes là la prochaine fois qu'on descend à Québec? Ben oui, c'est sûr. Génial. Arcade Retro, ton côté? Malheureusement, j'ai pas eu le temps de jouer beaucoup, sauf pour les épisodes que je suis en train de vous préparer pour, sur Arcade Rétro. Mais j'ai fini Dead Island au 360, qui était un jeu gold de gratuit. Et des projets personnels aussi, mais c'est bon. Et dernièrement, j'ai joué à Roadrunner. Roadrunner, la version NES? Non, la version arcade. Ah! Roadrunner qui est. Oui. Je sais de quoi tu parles. C'est ça, hein? T'as fait des cauchemars? Je peux pas en parler. Ok. Ok. Mais c'était pas mal relax de mon côté, à vrai dire. Et Joe, de ton côté, quoi de neuf? C'était vraiment relax, je te dirais. Je travaillais sur mes articles dernièrement. Là, j'ai commencé à rejoindre un peu des jeux rétro pour travailler là-dessus. Sinon, j'ai joué à Wildstar un peu, je me suis continué à taper la série de Supernatural, fait que j'ai perdu un peu de temps, là. Je suis rendu 6e saison, j'essaie de me remettre à jour. Sinon, je me suis retapé une couple de livres de Pathfinder pour préparer mes quests pour mes joueurs, fait que ça a été un peu relax cette semaine, côté gaming. Un bon DM, finalement. Yep. Et Mike, tu joues-tu, toi? Ça t'arrive-tu, de même après ta job, de vouloir relaxer et jouer un peu? Je sais pas, hein? À quoi tu joues ces temps-ci? J'ai pas eu le temps de jouer ces temps-ci, je te dirais, mais j'ai eu le temps de finir Black Flag, par contre. Oh! Bon. On va juste dire comme quoi que c'est un excellent jeu et... Ouais. Tu peux dire que c'est correct, là. Je veux pas le prendre personnel, là. Ben, ouais, ok. Ben, vas-y. Jog, c'est parce que je te rappelle si t'étais avec moi dans la ligne. Oh oui, les prochains seront mieux. Pas un fan de ce que je vois, non, hein? Non, mais non, au contraire, j'étais un fan jusqu'au 4. Putain, c'est un des meilleurs côtés gameplay. Non, je trouve qu'il y a trop de bâtons navals, puis on fait trop le focus là-dessus. Moi, c'est le contraire, je commence à être trop tanné quand t'es pas en bâton navals, quand t'es à faire dans une mission d'une ville. C'est mon opinion personnelle, évidemment. C'est ça, c'est mon opinion personnelle. De mon côté, je joue beaucoup à Hearthstone de Blizzard. Je me tape des batailles de fous à essayer de planter plein d'Américains et de me faire planter joyeusement également. Bataille de fous. Et oui. Et sinon, ben j'ai commencé. J'ai reçu mes cadeaux de Noël, de fête déjà. Noël. Ouais, Noël. Ça avance. J'ai reçu mes cadeaux. Tabarnak, t'es gâté pas à peu près. Noyé Noël en février. Non, mais j'ai déjà reçu mes cadeaux de fête, fait que j'ai joué à Zelda sur Wii U que j'aime beaucoup. J'apprécie beaucoup en ce moment. Et je dois bientôt embarquer dans Pokémon Y, que j'ai également reçu pour ma fête. Merci mon amour de m'avoir offert ces beaux cadeaux de fête. J'ai entendu, ça fait plaisir. On a parti dans les nouvelles? Et bien sûr, ne perdons pas de temps. Mais avant toute chose, on va aller voir ce que nos fans disent en ce moment sur YouTube. Je vois que vous êtes énormément de personnes à nous jaser ce soir. C'est vraiment cool. Si vous nous écoutez live, vous pouvez nous écrire durant le podcast. Et si vous avez des bonnes questions ou des bons commentaires, on va probablement pouvoir vous les diffuser live. Mais sinon, si vous voulez nous rejoindre live durant le podcast et vous nous écoutez en différé sur iTunes, vous pouvez également venir nous rejoindre les mardis soirs 20h sur youtube.com/accrodesjeux. Oh yeah! Alors, qu'est-ce qu'on a comme commentaire? On nous demande de faire des une épisode des meilleurs bloopers chez les accros. Tout à fait. Ouh, ça serait faisable. C'est pas mal l'épisode d'aujourd'hui. Là. C'est pas mal toutes les podcasts. Pas mal! Toutes les podcasts! Ouais, ça, je me disais aussi. Oui, ce soir, ça a parti un petit peu plus mal que d'habitude. D'habitude, ça va bien. Là, à ce soir, je pense que c'est Mike, la présence de Mike qui m'a fait stresser au bout. Je dis, oh mon Dieu, faut que je fasse bonne impression. T'as du singe pour le dîner, Ben. Colin. Il est stressé. Moi, il est comme tout nerveux, comme j'essaie de pas trop parler par-dessus le monde. On a Philippe Saint-Jean qui nous demande quand est-ce que Marie-Lune va revenir au podcast. Eh bien, elle va revenir bientôt. C'est tout ce que je peux vous dire. Parce qu'il va y avoir un sujet qui. L'intéresse. Qui va beaucoup l'intéresser. Elle va venir faire son tour. Je sais que je suis sponsor au podcast, mais bon. Et voilà. Alors, Marie-Lune en background, c'est mieux que rien. Et c'est ça. J'aime beaucoup. Mm-hmm. Alors, on a Mike Diamond qui dit Hearthstone, je suis tellement accro maintenant que je crois que j'ai un problème. Ça, on appelle ça une addiction. Ouais. On est désolé pour toi. J'avais la même chose pour League of Legends. J'ai un 6 mois de sevrage encore. Je sais c'est à quoi j'ai joué cette semaine. Ah oui? Je viens de me rappeler, t'as dit le mot addiction. World of Warcraft? Don't starve. Oh my god. Ne commencez pas à jouer à ça parce que. Le jeu est vraiment bon, par exemple. Vous allez être accro. Ouais, c'est ça encore. Vous allez avoir des divorces. Puis votre femme va partir avec la moitié de vos jeux, hein. N'oubliez pas ça. La moitié des dettes aussi. Fait que organisez-vous pour avoir bien des dettes. Des dettes avec des jeux. Ah, on va aller dans les nouvelles. Première nouvelle, malheureusement, Mike pourra pas participer parce qu'on parle d'Ubisoft. Watch Dogs devrait sortir au printemps, sauf sa Wii U. C'est Yves Guillemot. C'est annoncé. Yves Guillemot s'est penché sur l'exercice 2014 et 2015. Il a confirmé l'arrivée prochaine de Watch Dogs au printemps. Et en autre terme, Watch Dogs devrait sortir entre avril et juin 2014. Et durant la conférence, le patron a également glissé que la version Wii U arrivera à une date ultérieure. Quoi? What the fuck? Ça fait un bout que c'est annoncé. Et what the fuck? Ultérieure comme quoi? Comme ouais, c'est ça, comme un c'est pas précisé. Ok. Bordel. C'est quoi c'est ça? J'aurais voulu moi aussi, parce que je m'attends à jouer à Watch Dogs à Wii U, mais quand précommande est faite. Est-ce que tu attendrais pour la version Wii U ou tu vas trahir ça et tu vas l'acheter à une autre console? Je me dis, tu sais, j'ai entendu de la part de plusieurs programmeurs qui disent que c'est très difficile de programmer sa Wii U. Je vais penser à eux autres qui ont programmé sa Wii U et je vais aller chercher sa Wii U. Ben oui, justement. Justement, puis je veux montrer au groupe publisher que j'aime la Wii U puis que j'ai envie d'avoir des jeux sur cette console-là, même si tout le monde la boude. Alors, c'était la première nouvelle. Mike, Astor, tu vas pas parler. Go! c'est mieux pour ma job que je parle pas. Ouais, c'est ça. Ouais, je fais attention avec le monde qui travaille dans le monde du jeu vidéo ici pour lorsque c'est hier nouvelle, je m'arrange également pour vous exclure. Ouais. NDAs! C'est le fun de signer ça, c'est tellement le fun. Je me rappelle d'en avoir signé un dans ma vie, puis à cette heure, je suis plus sûr que ça me tente d'en avoir un. une petite nouvelle pour faire plaisir à Jug. Quoi? Mighty No. 9. Ouh. Un film! Ouais, ça c'est. Moi ouais, j'ai vu l'annonce, puis je trouvais ça bizarre. Un animé? Comment? Avec Ben Affleck. C'est le projet Mighty No. 9 a attiré l'attention de Tim Carter de la société Contradiction Film qui annonce la réalisation d'un vrai film. C'est lui qui avait dirigé la série Mortal Kombat Legacy qui est sortie sur Machinima. Puis le gars il collabore avec Keiji Inafune également sur l'écriture du film. Mais on n'en sait pas plus. Comment ça va sortir le jeu là, puis on verra après. C'est comme des acteurs en costume, ça me fait peur. Là. Non, je pense pas. Je pense que ça va être un anime, selon moi. Ouais, ça, en tout cas, selon moi, ouais, ça va ressembler à ça. Mm. J'espère, en tout cas. Je vois mal ça en live action, anyway, ce genre de film. C'est pas en live action. Là. C'est comme Mega Man live action, c'est comme... Non. De toute façon, tu sais que le meilleur film de live action sur les jeux, c'est Mario Bros, le film. Ah! Oh. Ça, c'est bon. Oh, c'est bon, man. Non, Mortal Kombat 1, c'était l'un des meilleurs. Là. Tout aussi bon. Street Fighter, le film, puis le jeu basé sur le film. Oui, Fighter. Oui. Là. Je vais juste tourner le couteau dans la plaine, Mike. Far Cry, le film, par Uwe Boll. Ah, je n'ai vu aucun, c'est... L'ont-tu sorti? Il s'est sorti. Oui. C'est mauvais. C'est mais mauvais. C'est pas les gars de Screw Attack qui avaient gagné un rôle dans le film? Il a été invité, mais ils ont été coupés du montage. Parce qu'ils avaient gagné un concours. C'est le monde avait coté, puis ils sont allés, genre, fallait qu'ils payent, je pense, des pledges 1000$ ou quelque chose. Ouais. Puis ils ont joué des gens de Marine ou je sais pas trop quoi, là. Ils ont fait un scientifique par Marine, puis ils ont été coupés du montage, justement. c'est vache. Parce que je pense que c'est en plus antithèse, ils m'avaient dit. Non, c'est vrai, j'avais envoyé une question à Anson Tom, puis il avait répondu au podcast comme quoi il s'était fait couper du montage. c'est ça qui est le plus drôle. Autre nouvelle, World of Warcraft, on sait comment on adore parler de World of Warcraft. Eh bien, ça a l'air qu'il y a une remontée d'abonnements depuis les derniers mois. En ce moment, auparavant, il était rendu à 7,6 millions d'abonnés en novembre. Et en ce moment, en fin d'année, de décembre 2013, ils étaient retrouvés à 7,8 millions. Donc, augmentation de 200 000 joueurs. Okay. Est-ce que c'est par rapport à la nouvelle extension ou est l'occasion également de booster leur personnage avant que l'extension sorte? C'est probablement une idée. C'est des célibataires à cause de la Saint-Valentin. Ceux qui sont pas en couple, ils se lancent. Non, j'en connais qui sont en couple et qui jouent à ça, même à Saint-Valentin. Salut Fred, salut Nick. Alors, voilà. et, Et voilà. Oh, avez-vous vu la bande-annonce du nouveau Sonic? Ça va se parler, en tout cas, oui. Ouais. Sonic Boom! Ben, Knuckles, là, il a skippé le leg day, hein? Pas mal, ouais. Il est rendu! Il est bof! Il est check mes pipes! Check mes pipes! Chest bra! Bra, bra, chest dos! Bra, bra, chest bra! Dos! Pas les bras, c'est eux! Bra, bra, bra! Sonic est rendu avec un petit bandana dans le cou! Bon, ouais, c'est tout cute! Un rebelle! Vous en pensez quoi, vous autres? Bon. Je vais attendre de voir ce que ça donne. Déjà, Sonic. Il essaye trop. Élabore moi ça, s'il te plaît. Ouais, tu sais. Ben, pour écoutez, on s'entend que Sonic a déjà une formule gagnante qui a marché depuis toujours, à part pour Sonic le Rebelle avec son frère et sa sœur, faite aux États-Unis et la France. Ben, pourquoi? Je me rappelais, hein? Ça m'avait sorti de la tête. Ah, mon Dieu, que ça craint, ça! Oh. Bon. Les accros veulent se distancer des propos de l'antithèse. Désolé de vous avoir fait rappeler un mauvais souvenir. Moi, je m'en vais. Fuck you, je te souviens que soit toi, soit un autre a fait un épisode commentaire sur ça, fait qu'assume. Oui, pis je te rappelle que cet épisode-là est très difficile à trouver à cette heure. Ah, je me demande pourquoi. Il est disparu à cause que Blip a fermé mon compte. Point. Bon, autre nouvelle? Si vous avez pas... Juste pour vous dire, c'est ça, la série de jeux Sonic Boom va sortir sur Wii U et 3DS, et il va également avoir une série télé en 2014-2015. Voyons donc, c'est quoi ça? Ouais. Ouais. Sonic? Avec la nouvelle série de Sonic Boom, là. Ça va être des épisodes de 52 épisodes de 11 minutes. 52 épisodes? Ouais. Tabarnache, ok. Bon, mais c'est 11 minutes. C'est 11 minutes, là, c'est comme... Ça veut dire que c'est deux épisodes par demi-heure essentiellement à la télévision. Bah, pas sûr, parce que des fois, ils peuvent utiliser ça comme filler aussi. Non, vous savez tout comment ça marche. Ça va durer 11 minutes total, puis il va y avoir 22 minutes de publicité. Oui. C'est impossible. Qu'est-ce qui se passe, Sonic Pub? Sonic Pub. Sonic Co. Pub. Hey, Tails, as-tu un chili dog à me donner? Pub. Dog dog. Pub. Sonic nous regarde. Pub. Dans cette émission-là. Autre nouvelle. Savez-vous qu'il y a une pétition en ce moment pour South Park pour qu'il y ait des doublages français dans le jeu? Il n'y a pas des doublages français dans le jeu? Non, parce qu'en ce moment, la version française va seulement avoir du doublage écrit. Ça va être les vraies voix de la série américaine. Oui, oui. Puis pourquoi? Parce que... Les Français ils veulent avoir la voix française des personnages de South Park. Ben, ce serait faisable, mais ça vaut-tu la peine qu'ils fassent une version française? Ça coûte cher. Qu'ils apprennent l'anglais. Ouais, c'est ça. Qu'ils apprennent l'anglais. T'es mean! Mais c'est ce que je dis à mes collègues français toute la journée. Non, mais c'est vrai, là, on est rendu à l'époque où que l'anglais est partout. Tu crois que je jouais à Final Fantasy 2 puis je comprenais même pas l'anglais. Fait, maintenant, il me semble, en 2014, t'es supposé de savoir, je sais pas, là, au minimum. C'est. Ben. Peut-être qu'ils ont décidé d'apprendre un autre langage. Je sais pas. Le mandarin. Le mandarin. Ben... Le mandarin, le mandarin, le buffet chinois. Le mandarin, c'est bon, ça. Hey, tu viens de ça, hein? Ben oui. Ok. Bien, moi, ça. Ça passait à TQS dans le temps, la pub. Fait. À VHS, c'est pas vrai, oh my god. C'est à peu près tout pour ce qui est de mes nouvelles. Est-ce que Antithèse a des nouvelles de son côté? Non, c'est bien calme cette semaine, j'ai trouvé justement. C'est tranquille, hein? Flappy Bird, il est mort! Oui, c'est vrai! Ah oui! C'est un hoax, c'est un hoax. Ah, je pleure! Mike, ton avis là-dessus? Flappy Bird qui a été retiré par son créateur, tu ferais-tu ça, toi? Je sais pas trop, là, c'est... Il gagnait quand même 50 000$ par jour pour son jeu. Ouais, mais c'est pas une question d'argent rendu là, c'est comme... Tu sais, il y a tellement eu de hate à son propos, il y a tellement eu d'articles, ça, qui disaient que c'était un fraudeur, qui copiait des jeux. Puis qu'à un moment donné, j'imagine, tu sais, ça fait quand même pas mal de pression personnelle. Fait en même temps, je comprends un peu de faire comme, ok, non, regarde, je suis tanné de dealer avec ce genre d'affaires-là. Un peu comme Phil Fish a fait dans le temps avec tout le hate qu'il y a eu, puis il a annulé FS2. Ben, c'est cool. Mais en plus, il a annulé pour une question comme plus de. Comment dire? D'éthique. Il disait, ah, oh, ça rend le monde accro, puis moi, j'aime pas ça. Fait que j'ai comme enlevé. C'est n'importe quoi. Vous checkerez ça, mais il y a déjà des clones qui se sont fait faire, là. Comme là, il y a Flappy Doge. C'est juste dommage que je ne puisse pas mettre le lien dans les commentaires. Dogedick.co, si jamais vous voulez aller voir. Là. Isako s'est distancié du site qu'on vient de vous donner. Et si c'est un site porno, on s'excuse et on mettait la faute sur ça. D'ailleurs, parlant de. C'est un podcast qui parle de Rumble aujourd'hui. Ouais. Puis il y a quelqu'un qui a fait un clone de Flappy Dodge sur Atari 2600. Oh my! Oh nice! Je trouve ça cool! Mais c'est ça qui est cool avec le sujet qu'on va parler tantôt, parce que, veux pas, la créativité est sur tous les sens possibles, là, pour ce qui est du jeu Mbou. Ouais. On va aller voir ce que les fans nous jasent avant sur YouTube, et après ça, on va pouvoir commencer sur notre sujet. Bien sûr! Alors, Mass Street Fighter est pas si pire comme film, hein? C'est ça. Moi, je me suis tapé le film à soirée douteux, il y a une couple de mois avec Alpha. Puis, je vous dis une chose, les claques arrivaient assez vite dans l'écran. Parce que quand vous allez à soirée douteux, là, au bout. Ouais, t'as des bouchons de liège. Non, ouais, c'est des bouchons de liège, comme tapés ensemble. Puis, on a passé la moitié de la soirée, puis tu as des boutons de liège dans la face à Jean-Claude Van Damme. Et moi, de voir la face de Giz qui me regarde parce que je sais tellement pas viser. Et que je manquais ma shot tout le temps et que je ramassais, mettons, Kylie Minogue ou Paul. Voyons. T'es capable. Vas-y, t'es capable. Vas-y. Roll Julia, ouais. Ah, il l'a dit. Pauvre lui, c'est hein. C'est son dernier film, d'ailleurs. Son dernier film qu'il l'a fait pour ses enfants. Eh oui. Oui, c'est ça. Ben, il voulait même pas le faire, en plus. Whatever. Bon, moi, c'était le premier film de Street Fighter. C'est quand même moins pire que la suite qu'ils ont faite, je pense. C'est comment ça s'appelait, avec Chun-Li, là? Ah, non, man, non! Ça, c'était mauvais, là, mais vraiment, là, Street Fighter, The Legend of Chun-Li. La même gang qui avait des films de Dragon Ball, là? Ouais, je pense que c'est ça, quelque chose de mec. Mais tu sais, le pire, c'est que Street Fighter est comme sorti quelques années avant un... Tu sais, après un autre film mauvais, qui est Double Dragon. Oh my god, oui. Hey, Abobo, il était-tu vraiment laid dans ce film-là? Excuse-moi, mais Abobo, là, c'est qu'il était laid. Non. C'est Double Dragon. Ouais, Double Dragon. Moi, je me rappelle encore de le T-1000. Comment il s'appelle déjà, le gars? Robert Patrick. il était une imitation de Vanilla Ice, on dirait. Il était coupé comme... Nice, cool, man. Il y a eu du bleach dans les cheveux, ouais. C'est vrai, je sais pas comment ils font pour botcher vraiment. Là. T'achètes une franchise, puis tu te dis quoi? On va essayer de se mettre le plus loin possible de la franchise qu'on vient d'acheter. Il y a personne dans l'équipe qui dit « Dude, ça, c'est pas dans le jeu. Hein. » On s'en fout. On va faire du cash. Ouais, tant qu'à le faire, quelqu'un qui dit « Ben écoute, non, c'est pas ça son nom. Lui, c'est le boss. Le boss est... » Je sais pas, t'essayes de faire ça, là, de faire que ça ressemble. Écoute. Comme Battleship, c'est pareil au jeu. Battleship! Oh mon dieu! Je sais pas, il va sortir les aliens, en tout cas, whatever. Autant, je pense que c'est toi, Tites, qui m'avait dit pour le film de Mario Bros. Les acteurs étaient sous tout le long du tournage. Oh my god, oui. Ils voulaient oublier. Hopkins, puis l'autre, il était tellement viré sur le top, tellement qu'ils ont réalisé qu'ils étaient dans un film de marde, qu'ils se saoulaient pour oublier la marde dans laquelle ils le naviguaient. Wow! Nice. Je m'attends de celle-là. J'en parlais à ma job en plus avec mes testeurs, genre, c'est écœurant ça. Je vais aller lancer ça demain. On a Tai Kushimira qui nous rappelle que dans Double Dragon, en version française québécoise, il y avait la voix de Joël Legendre qui faisait un des gentils. Eh boy! Ah bon. Les deux frères? Un des deux frères, ouais. Billy ou Jimmy, là, eh hey boy, ok. C'est assez mauvais. T'es passé à doubler un des deux frères Dragon puis faire le thème d'Occupation Double après, là, c'est... puis tu rajoutes du Aladdin entre-temps, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ou Léo dans Titanic, là. Ah ouais, man! Ne lâche pas ma main! Oh my... Ah, c'est mauvais. Wow. En tout cas... Pis tout, en passant, là, tous les films de U.A. Ball possibles. Non, non, non. Apparemment, il y en aurait un de passant, mais c'est ça. Lequel? C'est probablement le deuxième Halloween de Dark, si je me trompe pas, là, du titre. Mais, écoute, c'est U.A. Ball, parce que c'est sous toute réserve. Moi, je me souviens... Il y a un U.A. Ball qui serait pas pire. Ben, pas pire, ça te donne-tu le goût de l'écouter pareil? Pas pire. Puis, en fait, je me suis trompé, c'est peut-être pas le deuxième All in the Dark, je sais même pas si c'est un deuxième All in the Dark, je pense, c'est en fait le troisième Blood Rain. Ah oui, le parce que oui, il a fait trois Blood Rain, ce gars-là! What the fuck? Il y a trois films de vampires lesbiennes, bon, t'es en train de me dire, là? Non, je suis en train de dire what the fuck? Ah bon. Ok, ben t'as dit what the fuck. Ouais, c'est ça. C'est... Je sais pas, le dernier film, je me suis tapé de lui, c'était. Comment ça s'appelle? Pas Far Cry. Avec. Tu te souviens plus, tu t'es évanoui. In the Name of the King. In the Name of the King, ouais. Comment... C'est Dungeon Siege. Là, c'est ça, ouais. Et dans le film, on entend à un moment donné. Mais non, mais quel anachronisme, messieurs, quel anachronisme. On entend We Will Rock You. Ouais, mais c'est comme dans le film avec Heath Ledger, là, qui est l'enfant de médiéval, puis qui a comme une toune super populaire, là, qui jouait, là. C'est quoi le nom, là? Il jouait un chevalier dans ce film-là, là. Mais le film Chevalier, là, mais je me rappelle pas, j'ai pas... Dans ce cas, t'as parlé, hey! Il y avait comme une reprise de We Are the Champion de The Queen, justement, dans ce film-là. Ouais, c'est ça, hein, quelque chose dans... Robbie Williams, je pense. Robbie Williams, qui est homme en pantalon... En pantalon médiéval et qui chante avec un micro. On dit pas que c'était Mel Brooks qui faisait le film, mais c'était pas Mel Brooks qui a fait le film, alors c'est inexcusable. Non. C'était ça. Que les versions poches faites de films, c'est que t'as plein de indie movies faites par des fans qui sont parfaits. Tu sais, c'est genre ces films-là qui devraient avoir le budget que les gros blockbusters ont eu à place. T'as-tu un exemple? Pardon? T'as-tu un exemple? Il y avait un film de Half-Life, je m'en souviens plus c'est quoi, c'était un short film, hein, puis c'était des genres des séries sur le web, puis Chris, c'était super bien fait, les effets étaient super bien faits, les shots, les effets vidéo surtout, puis c'était Half-Life. Là, il y a une série aussi sur Fallout, je m'en souviens plus du nom. Ouais, je l'ai vu, je me rappelle, c'est de quoi tu parles, ouais. C'est super bien fait aussi, puis pourquoi que c'est pas ça qu'on retrouve sur notre grand écran? C'est tout le temps des petites séries qui font ça de peine et de misère avec des petits budgets, qui se ramassent à en arracher, mais qui sont plus fidèles aux produits originaux. Comme dans la même tranche que tu dis, Arcade, ben écoute, c'était drôle parce que Jock, tantôt, il faisait un commentaire sur Mega Man, et bien effectivement, il a bien aimé un fan film de Mega Man, et j'ai fait découvrir ça à ta sœur Alpha récemment. Et quand c'est rendu que même ta sœur Alpha trouve ça comme épique, en quelque part, le saut de qualité est approuvé. Tout à fait. On entend du Minou. Minou. Mon chat, il a faim, là. Non, il veut sortir de la chambre, mais il pique que mon ex, là. Il veut rentrer, sortir. Fait que, fuck it. Il va t'attaquer, même. Et les accros des jeux se dissocient des propos de Joe concernant son ex. Ouais, mais je pense que lui aussi, il aimait ça, entrer-sortir. Oh! Les comètes! Oh, mon Dieu! Arcade Rétro se dissocie des derniers propos de Juste un Gamer. On va passer à boîte du show à la fin. Bienvenue aux accros des jeux! Le podcast, Love Story! Accros des jeux, Love Story! Rated R! For retarded. Bon, on va aller voir dans le sujet parce que je pense qu'on a comme un peu déliré. Puis, ben, on délire tout le temps dans le podcast des accros. Si vous nous écoutez depuis ce temps-là, vous savez pourquoi qu'on on trippe à le faire, c'est parce qu'on niaise à tour de bras pendant une heure et demie. On va parler de jeux homebrew et jeux hackés. Qu'est-ce qu'un jeu homebrew? Qu'est-ce qu'un jeu hacké en tant que tel? Eh bien, c'est un œuvre originale ou repensée qui est manipulée sous différentes plateformes, que ce soit actuelle ou rétro. Et on a un spécialiste avec nous autres qui est Michael, qui a lui-même commencé sa carrière en faisant des hacks de jeux. Oui, oui. Qu'est-ce que tu faisais comme hack? Ben, hack. C'est pas des hacks, c'était des traductions que je faisais dans le temps. OK. C'est de la traduction de l'anglais vers le français. C'est comme rien de super glorieux, on se le cachera pas. Je me suis quand même essayé de traduire du japonais, mais ça n'a pas été futur. Qu'est-ce que tu as essayé de faire? Le projet que j'ai sorti, c'était surtout des Megaman en fait. J'ai sorti Megaman 2, Megaman 6, Megaman X2, Megaman X3. Megaman X2 que j'aurais fait deux fois. Deux fois en plus? Ouais. T'as pas fait ta première version ou? L'histoire, c'est que genre, je travaillais l'été dans une place, il y avait un ordi, puis je m'emmerdais, puis je jouais sur l'émulateur, puis j'étais comme. J'avais joué à mes vieilles pages, je suis comme, asti que c'est de la merde! Fait que je l'ai refait. C'est aussi simple que ça. J'avais essayé de traduire Final Fantasy 3 au NES, mais. Qui est de la patch anglaise de Demi-Force. Ok. Fait que moi, c'est plus ces côtés de traduction, c'est pas côté hack, même si je connais un peu certains. Je sais pas si vous connaissez le forum de ACLMLM, c'est un Québécois qui faisait ça. Non, je connais pas. C'est un gros forum justement de toute cette communauté de hacks, de monde qui prenait des jeux comme Mario 1, Mario 3, ils refaisaient tous les levels, tout le graphique, toute la musique. C'était une grosse communauté qu'il y avait ce forum-là. Tu peux tout changer, pas juste les traductions, tu peux changer les sprites, tu peux changer les valeurs et tout. Oh oui, il veut dire, tu as accès à tout du jeu, tu as accès à tous les octets du jeu, fait que tu peux faire ce que tu veux avec. Là. Oh okay. Mon Dieu. Bon, c'est donc assez cool. Simple. Wow. Mais ça dépend de des jeux. Je veux dire, il y a certains jeux qui ont comme été pas mal utilisés par des monde qui ont fait du reverse engineering. Je pense il y a des éditeurs pour Super Mario World qui est comme il y a 10 000 hacks de Mario World. Il y a un éditeur pour Chrono Trigger qui avait donné le Crimson Echo. Je sais pas si vous avez entendu parler de ce projet-là. Mm-hmm. Non. C'est comme c'était la gang de Chrono Compendium, c'est un fan site de Chrono Trigger sur internet qui faisait comme une suite entre Chrono Trigger et Chrono Cross eux autres mêmes dans l'engine de Chrono Trigger. Wow! Ça c'est très intéressant. Ouais. Effectivement. Mais ils sont fait arrêter par un Citizen Desist Letter de Square Enix comme à 98%. Là. Oh wow! C'est comme le projet du monde voulait faire une version 3D de Chrono Trigger, là. Ça s'est fait arrêter. Ouais, on a vu que le démo était vraiment super beau. Hein. Ouais, d'ailleurs, Chrono Resurrection. Ça doit être tellement crève-cœur, là. Ouais, vraiment. C'est une licence qui appartient à une compagnie. Ils savent, c'est un risque à prendre, tu sais. C'est pas le risque. Ils font pas de cash avec ça. Non, mais t'as pas le... mal au cœur, c'est... Mané, j'étais allé au sommet du jeu, il y avait le président de Square Enix qui était là, je me souviens plus de son nom, malheureusement. Puis il présentait comme les plus grosses franchises de Square Enix, puis Chrono était là, genre, j'étais comme... Mais qu'est-ce que vous attendez faire une suite, game? T'sais, il y en a juste deux dans la série, puis c'est comme, il était genre avec les Final Fantasy, les Dragon Quest... Et encore, est-ce qu'on peut vraiment dire, on peut sincèrement dire que Chrono Cross est une vraie suite de Chrono Trigger? Non. Non. Oui. En fait, mais ça, oui. Mais ça, c'est un autre débat. Mais comment tu as commencé à faire en tant que tel la programmation du... Est-ce que c'est compliqué de faire la traduction côté programmation d'un hack, finalement? Ça dépend du jeu, je te dirais. Si tu prends un RPG, si tu as besoin de programmation, oui, pour... comme faire les outils pour extraire le texte, ou si tu traduis du japonais en anglais, faut que tu reprogrammes une certaine partie, surtout pour afficher la police en anglais, en fait. Mm-hmm. Mais pour des jeux simples, t'as pas besoin de savoir programmer, en fait. Ah non? Non, il y a des outils déjà faits, que t'es déjà fait dans la communauté, même à l'époque, je te parle, dans les années 2000, 99-2000, il y avait déjà des outils faits, des éditeurs graphiques qui comprennent les formats graphiques de Nintendo, Super Nintendo, Sega Genesis, tout ça. Puis plus des éditeurs hexadécimales spécialisés pour aider à traduire. Nice. Fait que, tu sais, non, J'ai appris à programmer, j'avais comme 15 ans, puis c'est, genre, c'est avant ça que je faisais de la traduction de jeu. Là. Nice. Thumbs up. Comment vous connaissez, vous autres, la gang, les jeux homebrew ou les jeux hackés? C'est quoi votre première expérience? RPG Maker 2000. Oh, yeah! Hey, j'en ai fait des affaires là-dessus. J'ai passé des années là-dessus. J'avais fait vraiment des grosses affaires. Je me promenais sur Internet. J'allais voir les tutoriels. J'avais fait un projet qui faisait 40 heures de gameplay. J'avais genre une centaine de characters. Puis j'ai tout perdu. Non! Oh, non! Tout sur un CD. Non. Tout sur un CD, genre. Puis perdu dans le déménagement. J'ai plus jamais remis la main sur le projet, genre. Ça m'a fait un gros bobo sur le cœur, là, mais ouais, RPG Maker, c'était mon expérience personnelle, là. J'ai tellement passé de temps. Puis même encore là, je me suis acheté RPG Maker Ace, étant spécial, System, pour une couple de mois, juste pour revoir, puis... Oh wow, c'est vraiment écœurant. Si quelqu'un veut apprendre à programmer, là, puis se faire du fun, RPG Maker, c'est parfait, là, je veux dire, c'est facile à apprendre, ils te prennent par la main, puis ils te montrent tout ce que tu as besoin de savoir, là, c'est vraiment facile, là. Okay, surtout des plus récents que tu peux scripter en Ruby, en fait. Ah oh, oui, le Ruby, c'est facile. Tu fais juste dire ce que tu veux, puis tu le fais. Mais ça, parce que RPG Maker 2000, me semble, c'était genre... c'était tout genre des triggers... Ouais, c'était des triggers, c'était des events. Ouais. C'était des switch on-off. Fait, tu avais pas de code nulle part, me semble, là-dedans. Là. Non, c'était juste des on-off, puis des variables. Puis ouais, tu faisais avec ça. Tu avais une couple de fonctions spéciales qui étaient préétablies pour faire bouger les characters, faire des animations, etc., etc. Mais c'était vraiment très basic. Mais tu pouvais tellement faire d'affaires avec ça, là, c'est incroyable. Fais-tu exporter tes jeux? Oui, tu pouvais exporter des jeux. Il y avait une grosse communauté française à l'époque, là, dans les années 2000, justement. Il y avait des concours de programmation de jeux sur RPG Maker. Puis il y avait des awards, puis tout le kit. C'était vraiment une très grande communauté. Okay. J'ai l'impression que ça l'a quand même diminué, là. Je sais pas si je me trompe, là. Mais ouais, c'était assez gros dans le temps, là. Ok. JP, est-ce que t'en as connu, toi? Des jeux homebrew, des jeux hackés... Moi? Oui, toi! Oui. Non, pas vraiment. Écoute, le jeu PC de Movies, ça compte-tu? Ben, c'est de la création film. Ben, écoute, ça... Il n'y avait pas de programmation, il n'y avait rien. Dans le fond, c'était le même principe un petit peu que de Sims, sauf que tu gérais un studio de cinéma. Puis tu avais des sets, tu avais des acteurs avec des budgets puis des salaires à gérer. Tu achetais des effets spéciaux, tu achetais des véhicules, tu scénarisais tes histoires, tu avais des triggers pour les actions de tes personnages afin que tu puisses voir le film. Puis c'était tellement développé, puis j'avais tellement passé de temps dessus que j'ai une série, genre, c'est 8 épisodes de comme 10 ou 15 minutes que j'ai fait avec tous mes chums en personnage. Puis c'était une série de zombies qui attaquaient, genre, notre ville. Puis écoute, on écoutait un épisode par semaine, puis je la faisais, puis on écoutait back to back. Puis c'était assez comique, mais je sais pas si ça rentre dans le thème des homebrew, là. Parce que tu sais, il n'y avait pas vraiment de programmation. C'est le principe un petit peu que tu dis d'RPG Maker, que peut-être que tu faisais tes sets puis tout, mais tu sais, RPG Maker te pitchait ça. Il n'y avait pas une base ou un storyline. Movies, c'était dans le même principe, mais tu sais, c'était comme un jeu dans un jeu. Tandis qu'RPG Maker, c'est vraiment un outil. Là. Ouais, c'est un outil de programmation. C'est un éditeur, là. Ouais, c'est ça, exact. C'était moins sub de Movies, mais j'ai pas vraiment eu d'expérience. J'étais assez vierge dans le domaine du homebrew. Juste pour mettre une petite parenthèse sur RPG Maker, je viens de poser la question pour l'export. Pour l'export, en fait, la nouvelle version VXAce, là, si vous allez sur les plateformes mobiles, il y a beaucoup de personnes qui prennent leur jeu, l'exportent et essayent de le vendre sur téléphone. Si vous avez déjà utilisé l'outil, vous allez remarquer le style tout de suite. Là. Genre, c'est tout de suite, tu peux voir tout de suite l'engin en arrière. Là. Mais je sais qu'il y a un jeu populaire qui est sorti sur Steam puis qui était fait avec RPG Maker, c'est Doudou Moon, je crois. Oui, j'ai dit ça. Puis ça a l'air que c'est un excellent jeu. Oui, il y a des très bons jeux. De toute façon, la qualité du jeu, ça n'a pas rapport. Tu peux dire n'importe quel outil, tu peux faire un bon jeu avec. Mais t'avais-tu des librairies d'images, de sons, de musique, où tu peux vraiment créer ton sprite, ton... Tu peux tout créer de T'avais des librairies déjà données qui étaient gratuites que qui venaient avec le programme. Okay. Mais il y avait aussi des programmes que tu pouvais télécharger qui te permettaient de faire tes propres trucs. Okay, des plugins. Tu pouvais faire tes propres sprites, tu pouvais faire tes propres sets d'animation, tu pouvais faire tes propres... ça s'appelait des tile sets là, pour faire tes maps. Okay. Tu pouvais faire tout ce que tu voulais en autant que tu aies le bon template. Après ça, tu faisais ce que tu voulais avec le jeu. Là. Il fallait juste que tu ailles selon ce que l'engin avait à te donner. Mais c'est ouais, tu pouvais créer de A à Z tout. Je veux dire, avec un PG Maker 2000, je m'étais fait un menu custom en utilisant l'engin. Là. Fait que tu peux vraiment faire ce que tu veux. OK. Très intéressant. Antithèse, de ton côté, est-ce que tu connais un petit peu les hacks et les homebrew? Mais écoute, comme on avait déjà discuté dans le spécial, nos YouTubers préférés, moi, en suivant Shaga Express, écoute, lui, ça faisait justement de performer dans des hacks de Super Metroid en tout genre. Là, on parle d'au-dessus, qui a fait quoi, au-dessus de 30 nombres de hacks. Du jeu Super Metroid qui a été refait. On parle de redesign, on parle de Aeris, on parle de Legacy, on parle d'une coupe. C'est intéressant, c'est que ces hacks-là, on vient de parler de RPG Maker pour faire des RPG, ben, pour faire vos hacks de Super Metroid, ben, il y a un programme qui existe qui s'appelle Smile. Oui. Mais également, Smile offre un programme séparé qui vous permet de faire des trucs encore plus poussés dans vos actes de Metroid, que je ne sais pas c'est quoi le nom, mais tout ce que je sais dans le fond, c'est que c'est un éditeur hexadécimal. Ok. Mais avec ça, tu peux aller jusqu'à éditer le son, des mouvements, justement customiser même tes menus, tes dépendants. Quand tu faisais ton hub, c'est. Il y a eu beaucoup d'efforts, comme vous pouvez comprendre, sur la conscience, si on veut, de concevoir des jeux Metroid à notre image. Mais un qui est de toi plus intéressé, Ben, c'est est-ce que tu savais qu'à peu près la même chose et même plus simple existe, mais pour Zelda? Ah bon? Ben moi je sais que moi j'ai déjà des hacks de Zelda. Par exemple, j'ai un hack de Zelda qui est refait. Pour NES, mais c'est A Link to the Past sur NES. C'est ça. C'est ça. Mais ça c'est fait grâce à un programme qui s'appelle Zelda Classic. Que je peux pas te dire comment c'est, parce que lui, je l'ai pas essayé. J'ai essayé Smile, j'ai essayé Metroid Editor. Zelda Classic, j'ai pas essayé, mais apparemment, Zelda Classic, c'est un des plus simples. J'ai vu des gens avec le programme de Zelda Classic. Ils ont fait des jeux de Metroid, ils ont fait des jeux de Mega Man en se basant sur l'engin de Zelda 1 et Zelda A Link to the Past. Mais il me semble que Zelda classique, c'est plus une réimplémentation du premier Zelda. C'est pas tant que tu modifies le Zelda 1, le vrai jeu. T'sais. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Ouais, ouais, ouais. Tu peux faire pas mal tout ce que tu veux aussi pour rajouter des items, plein d'affaires. Juste un gamin de ton côté. Écoute, moi j'en ai fait un paquet d'homebrew moi-même, puis j'en connais un paquet aussi parce que j'en ai joué plusieurs grâce à l'émulation. Wouh! T'as fait ça, toi! Puis ouais, ben dans le temps, on était tous un petit peu gaffe. Fait que. Et à starter comment? Mais moi, avec Multimedia Fusion 2, j'ai fait beaucoup de jeux homebrew avec les franchises Castlevania, Zelda, Mega Man. J'en ai fait des tonnes. J'ai même fait un point and click tower defense de Castlevania, un side scroller avec ça. Ça avait été bien populaire. Avec Multimedia Fusion 2, j'avais fait un Dragon Quest épisodique. Fait qu'à chaque semaine, je mettais un épisode supplémentaire sur Internet. Puis là, tu pouvais continuer ta quête à chaque semaine, où est-ce que tu étais rendu avec les niveaux et toute l'équipe. C'est une patch que tu patchais le jeu original, puis à chaque fois, ben, ça rajoutait un chapitre. Nice. J'avais fait ça. Tu faisais du DLC? Ouais, genre, j'avais commencé, moi, qui ai inventé le DLC! Des microtransactions! T'as jamais pensé à mettre un copyright là-dessus? Jock, t'es un vilain. Ouais, c'est ça, je vais aller réclamer mon patent pour le DLC. Puis, qu'est-ce que j'avais? J'en ai fait des Zelda, j'en ai fait je sais pas combien. J'avais refait Zelda 2 au complet, puis j'avais rajouté des levels. J'ai fait des Mega Man, puis en tout cas, Mais dans les jeux que les autres ont fait, j'ai bien aimé des jeux comme D-Pad Hero. Oui. Qui est ça, qui se peut aussi le trouver en cartouche. Il y en a qui font de la production. Bon. Ça, c'est... Puis le 2, je trouve qu'il est meilleur parce qu'il y a une toune de Castlevania dedans. Ah, j'ai pas essayé le 2 encore. J'ai juste joué au premier, par exemple. Le 2 est un petit peu mieux fait. Puis, je vois que le premier, j'ai de la misère à jouer là, avec le pad. Là, sérieux, là. J'ai de la misère à suivre. Là, sérieux, là, les tounes. Mais je m'en venais bien. Je m'en venais bien, moi. Ouais. Vivement la Power Pack, la cassette Power Pack que tu peux mettre dans ta NES. Là, tu peux jouer à plein de jeux d'Homebrew là-dessus. Là, c'est vraiment cool. Et c'est ça, là, j'en ai fait puis j'en ai joué là, pas mal. Là. Ok. Moi, je suis quelqu'un qui a programmé beaucoup de jeux de texte. Les vieux jeux d'ordinateur auparavant, il n'y avait pas d'image. Tout ce que vous aviez, c'était du texte. Et vous deviez rentrer des lignes de code. Ben, moi, c'est ce que j'aimais faire il y a une couple d'années. Je me suis programmé un jeu d'horreur. Totalement sur l'ordinateur. Fait que t'avais, mettons, tu rentrais dans une pièce. Ben là, tu vois, mettons que je mettais en rouge ce que tu voyais dans la pièce. Tu voyais un chandelier, tu voyais deux portes, la porte gauche, la porte droite. Tu voyais, mettons, la table, tu voyais une trace de sang. Ben je pouvais te dire, examine, trace de sang. OK, tu vois que le sang est un peu caillé. Mettons que j'écrivais ça. Tu pouvais prendre ta fiole, ramasser la ligne. Mais mettons que tu restais dans une pièce, ça te prenait comme 2 minutes à tout taper. Pour être sûr. C'était long, long, long. Mais à l'époque, ça existe. Que veux-tu? Ça existe plus, ce genre de jeu-là. Moi, c'est le précurseur des point and click. C'est juste les point and click maintenant ont des images. Là. C'est ça. Dans le temps, c'était très très populaire, les premiers temps d'ordinateur. Puis moi, je trippais à faire ce genre de jeu-là. Mais à ça, ça se trouve. Il y a une communauté sur Internet qui trippe à faire seulement des jeux homebrew comme ça. Ben, y avait Black Ops qui avait un side game de même quand tu te détachais dans l'écran où c'est que tu attendais dans le main menu. Tu pouvais aller sur un ordinateur puis écrire une commande. Puis tu avais un jeu comme ça qui apparaissait. Puis tu pouvais jouer au jeu écrit. Là. Nice. Ah, pas pire, ça. On voit que t'es un des seuls gars ici qui a joué à Black Ops. Mais c'est une bonne raison, hein? Tu t'as joué juste pour ça, là, c'est ça? Non, non, j'ai fait le jeu complet à vétéran, là. OK. Je vous l'ai dit, je joue à des FPS. Alors, des accros des jeux, c'est dissocié de Joe parce que c'est des jeux qui oui. Ah, parce que c'est pas des vrais jeux. On est tombé hypocrite à soir. On se dissocie d'un tel, on se dissocie d'un tel. Si, mon âge. Je veux juste dire que les deux fois, c'est de moi qui se dissociait. Et Joe n'était pas présent lors du podcast où on a parlé de casual gaming contre le hardcore gaming. Parce qu'on aurait de la misère à placer Joe dans quelle catégorie? On serait battu. 360 no scope, faggot. 1v1 in real life. Represent, yo. Homeboy. Get. Alive. Hein, si tu n'arrives pas dans la vraie vie, t'es correct. Ah, fait que, selon vous, le meilleur jeu homebrew ou hacké que vous avez joué? Oh, Seigneur. Oh, c'est la barnouche. Ouais, j'en pose des bonnes questions, hein? Chante question. C'est les meilleurs à ce moment-là, Ben. C'est pas dire le contraire. Ou bien, quel jeu... OK, j'ai une meilleure question de ça. Quel jeu mériterait d'être publié? Publié? Aucun, parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que la plupart des jeux... au point de vue des jeux hackés, là... Les jeux refaits et tout ça basés sur des franchises existantes, aucun. Parce que oui, c'est on le fun, par contre, ça démontre un manque d'originalité. Parce que tu réutilises du stock qui existe déjà. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais de Cave Story qui était à l'origine un homebrew? Non, Cave Story, c'est pas pareil. Là. Il n'utilise pas les sprites de Zelda ou de Mega Man pour faire son jeu. Là. Il les a fait lui-même. Non, mais c'est quand même un jeu homebrew. Donc... Non, mais c'est pas ça que je parle. Moi, je parle des hacks. Ouais, mais ça a été basé quand même avec un... Non, t'as peu, là. Mélanges les choses, là, Ben. Un homebrew, là, puis un homebrew hacké, c'est pas la même affaire, là. OK. Pas la même affaire pantoute. Un homebrew, là, fait de toutes pièces, là, ça veut dire tous les graphiques sont originales, la musique est originale, l'engin a été construit de 0 à 100. Ça, c'est un vrai homebrew. Un homebrew hacké, là, c'est tu prends Zelda, Link to the Past, là, puis là, tu changes les levels, tu changes le design du terrain, puis là, tu refais un autre jeu complètement avec les mêmes assets. Ça, là, c'est bien le fun, sauf que ça mérite pas de titre de d'être sorti parce que ça manque d'originalité dans le sens que c'est pas du stock original. Mais dans ce sens-là, je suis d'accord avec Jug, malheureusement. En ce moment, des jeux hackés. Important de faire la même chose. Oui, les jeux hackés. Ouais. Il y en a surtout qui sont comme vraiment comme faits trop hardcore aussi. Là. C'est comme. Ils sont juste pas le fun à jouer. Là. Mais non, c'est ça. Mais moi, je pense par exemple à un. Tu sais, les projets qu'on parlait, qu'on énumérait plutôt à propos de Chrono Trigger. Tu sais, ça. Pourquoi que la compagnie, elle déciderait pas, ah, on va acheter le jeu tant qu'à ça, on va acheter non, les... Ils n'ont pas à l'acheter, c'est leur franchise, ils n'ont pas à acheter leurs propres affaires, oui. Mais ben, pas, si mais le, pas jeu, le travail ils de fait. Ils l'ont juste à eux, mais pas le travail que les autres ont fait. Non, c'est ça, mais en même temps, ils peuvent pas faire ça logiquement, parce que ça voudrait dire, ben écoute, faites plein d'affaires pour nous, puis après ça, ben on va vous racheter à moindre prix, parce que c'est notre franchise, on... Je veux dire. Non, mais une grosse compagnie pourrait juste réaliser le travail, puis le bon travail que ces gens-là ont fait, puis dire, écoute, c'est super bon, normalement, tu n'aurais pas eu à faire ça, mais qu'est-ce que tu dis si on t'achète pour X montant d'argent, puis c'est rendu à nous autres? C'est pas la première fois que c'est arrivé, ça. C'est ça, c'est pas la première fois que c'est arrivé. Là. Mais en tout cas, moi, j'ai de la misère à visualiser. Là, Par exemple, Mega Man Anniversary. Exactement. Mega Man Fighter. Ouais, c'est bon, ça. Ils l'ont pas payé pour ça non plus. Ouais, ils l'ont donné gratis, ce jeu-là. Ouais. Il n'aurait jamais payé pour ça, ouais. C'est leur franchise. Même si c'est gratis, je veux dire, c'est déjà une super belle reconnaissance. Oui, je comprends, là, mais... Il y a des gens, tant mieux si la compagnie dit, OK, on va le reconnaître, mais on ne te paye pas une scène, parce que techniquement, tout ce que tu as utilisé, c'est nos assets. Il n'y avait pas un gars qui a fait un jeu de StarCraft, comme en 3D, un genre de RPG ou MMO, je sais pas trop quoi, puis ils ont arrêté le projet, puis ils ont dit, hey, t'es pas supposé de faire ça, mais ils ont engagé le gars, si je me trompe pas, pour travailler possiblement peut-être sur un projet similaire, mais ils avaient arrêté le genre de développement. Le nom, il m'échappe, c'était comme un non, genre de... Ça s'appelait World of StarCraft. C'est ça? C'est en third person? Non, tu peux pas appeler ça World of StarCraft, mais je pense qu'il a continué sur un autre nom, en fait, mais ça se peut qu'aussi ils l'ont engagé aussi. Mais le projet, j'ai entendu ça, qu'ils avaient arrêté le projet, puis qu'ils ont pris le gars, puis ils l'ont engagé pour travailler sur un projet X. Fait que c'est peut-être tout est possible, mais à la base, en tout cas. Mais de base, Dota, c'était un homebrew aussi, là. On s'entend, là, c'était pas... Ouais, ben, quoi vrai. Que... Ouais, c'était un homebrew. C'était un homebrew, il utilisait Warcraft 3. C'est ça. Ça a starté sur StarCraft 1, je pense aussi, là, j'ai entendu. Ouais. Fait que, on peut dire que c'est un peu grâce au jeu homebrew et hacké que le nouveau style Dota, je me rappelle plus comment on appelle ça, ce genre de jeu-là. Les MOBA. Les MOBA ont existé, on s'entend. Ça a été créé un petit peu grâce à eux. C'est quand même un bel accomplissement quand même. Là. Mm-hmm. Tu fais comme une petite map dans un jeu, comme une petite map dans l'histoire de Warcraft 3, puis là, c'est comme, tu crées une... Comme, je vais pas dire une révolution, mais quasiment, tu sais, c'est comme un nouveau genre de jeu avec ça, c'est quand même... Alors, c'est pas pour dire que League of Legends, c'est genre un des jeux les plus joués mondialement, là, en ce moment, là. Oui. Que le gars qui a commencé ça, moi, le Dota 1, là, il doit être fier en tabarnak de sa shot, là. Et Chris, oui. C'est moi qui l'a fait! J'espère qu'il y a soit d'avance pour ça. Je sais pas. Mais pour qu'il réussisse à faire des grosses compétitions, que ça attire des millions de joueurs, je le souhaite en tout cas. Écoute, Mike, on va y aller quand même avec ton sujet à toi aussi, parce que dans un sens, t'es aussi un créateur de jeux et ben, de son. Ben, pour non, je crée pas de jeux, son. En fait. Ben, t'es un programmeur de son, on s'entend. Ouais. Fait que. J'imagine que dans les homebrew et dans les hacks, tu dois faire attention plus particulièrement au son en tant que tel. Est-ce que tu trouves que les nouveaux jeux que les mondes sortent récemment là, pour les jeux homebrew, est-ce que tu trouves que les créateurs ont une importance avec le son? Ben, je sais pas, j'ai pas joué à beaucoup de nouveaux hacks ou de homebrew. Vraiment, tu sais, les vrais homebrew, tu sais, comme fait faire un nouveau jeu de NES ou un jeu d'Atari 2600, comme je disais tantôt. Mm-hmm. Je sais pas trop. Le seul que je me souviens, c'est un vieux jeu, genre, que quelqu'un avait fait comme en 2000-2001, ça s'appelait Solar Wars, c'était au NES. Puis c'était correct, au audio. Hein. C'était sur son NES, évidemment. Hein. Puis comment tu programmes un son sur une vieille console? Ben, ça. Ça dépend de la console. Sur NES, faut que tu écrises à des registres pour dire je veux jouer je veux jouer telle note à telle fréquence, là. C'est comme pas mal ça. Mm-hmm. Fait que, en gros, c'est faut que tu programmes un driver qui lit des notes plus conventionnelles, plus faciles à écrire, mais c'est comme tu restes en exécutant. Quoi qu'avec Family Tracker, tu peux exporter le data, fait que ça sauve de la job, mais sinon tu fais ça à bras là. Ben à l'époque, quand la NES est sortie puis ils devaient programmer ça, ça devait être le bordel. Ouais. Il y a quelques musiciens du temps, genre qui étaient musiciens codeurs, qui ont comme sorti le code source de certaines musiques, là, Music Driver. Je pense que Rio Antel, c'en est un que j'ai vu comme il a publié son code source sur Internet pour checker, puis c'est comme ouais, c'est assez le bordel là. Puis, à cette heure, avec l'expérience de travail que tu as ramassée, tu penses que tu pourrais écrire des meilleures musiques pour la console 8-bits ou 16-bits? Non, ça n'a aucun rapport. C'est non. Vraiment, la musique chiptune que je fais, je n'ai pas fait beaucoup. Je veux dire, c'est dans Family Tracker, ça n'a aucun rapport avec ce que je fais dans ma job. Là. OK. Je sais que tu en fais aussi du chiptune, là. Ouais. Donc, pour un créateur d'aujourd'hui, c'est-tu plus facile qu'un créateur à l'époque? Ah, vraiment, oui. Dire, tu sais, juste Family Tracker, c'est comme tellement intuitif, là. J'imagine un gars comme David Wise qui avait vraiment trippé à avoir un genre de chien comme ça. Je sais que Tim Follin, c'est un compositeur qui a travaillé chez Software Creation en Angleterre. Mm-hmm. Premièrement, il avait fait comme une espèce d'outil sur la NES, puis il gossait la musique dessus, tu sais. Non, je pense qu'il a vraiment trippé à avoir un bel outil graphique qui fait faire du copier-coller, des trucs comme ça. Admettons, si je te placerais à l'époque 90-95, OK? Ouais. Quelle console, selon toi, tu aurais aimé programmer la musique? Même pas programmer la musique, juste programmer en tout court. Ouais. La Super NES? Ouais. Ouais. Moi, côté NES, je la connais pas mal, je te dirais, la NES, mm-hmm. parce que un de mes projets personnels, c'est faire un émulateur de NES. Fait que je la connais pas mal, la NES. Thumbs up. Puis la Super NES, c'est comme, ouais, ça c'est une console que je veux comme plus apprendre comment qu'elle marche. Ça a l'air que Tommy Tallarico disait que pour lui, la meilleure console qui a aimé créer des sons puis de la musique, c'était la Sega Genesis. Ouais, mais c'est parce que l'affaire avec la Sega Genesis, c'est que ça utilise la synthèse FM. OK. Puis beaucoup de claviers à l'époque, beaucoup de synthétiseurs de l'époque, utilisaient la synthèse FM, fait que c'était comme assez facile de comme transposer les deux, là, transposer du monde des synthés à la chip de la Sega Genesis. Là. OK. C'est pour fait ça. Que... J'avais lu aussi que c'est quel compositeur, un peu? Je pense que c'était un compositeur de Beam Software, puis il triait même aussi la Sega Genesis parce qu'il pouvait contrôler en MIDI directement, puis ça sonnait quasiment pareil, là. C'est intéressant. Mmh. Avez-vous vos recommandations de jeux Homebrew et Hack à offrir? Mettons s'il y en aurait une seule un seul jeu que vous auriez à proposer à quelqu'un. Metroid et Risk que l'on peut trouver sur le site de MetroidConstruction.net, je pense. Un instant. Mais oui, Super Metroid Iris. OK. Metroid 2 Remake. Oui! Quand il va sortir. Ouais, mais déjà le démo est pas payé. Non, effectivement. J'ai pas essayé. Elle a... quelque chose. OK. Y'a quelque chose, tu l'essaieras. Joe, ton côté, tu connais-tu un bon RPG à nous proposer? Non. J'ai rien qui me vient en tête, là. Sinon, je proposerais à n'importe qui d'aller essayer des nouveaux modes de jeu sur Garry's Mod, là. Garry's Mod, là, c'est vraiment, pour le homebrew, c'est vraiment écœurant, là. Il y a vraiment des bonnes affaires là-dessus. C'est une affaire qu'on n'avait pas parlé, qu'on devrait parler plus de Garry's Mod, justement. Ouais, Garry's Mod. Je connais pas réellement Garry's Mod. Je le vois souvent sur Steam. Ouais. Mais j'ose comme jamais. Garry's Mod, c'est comme une grosse communauté de mods. Tout ce qui est, c'est l'engin Source, qui est utilisé par Counter-Strike, par exemple, ou Half-Life. Puis il y a beaucoup, beaucoup de mods qui font que ça crée des jeux intéressants. Je pense à des jeux comme Prop Hunt, qui consiste à avoir une équipe de chasseurs, puis une équipe de personnes qui se transforment en objets. Le but, c'est que les personnes qui se transforment en objets ne se fassent pas pogner par les chasseurs. Fait que finalement, tu fais juste comme prendre un objet qui est random dans la place, puis tu te transformes en ça. Fait que tu peux te transformer dans un divan, tu peux te transformer en canette de liqueur, en banane, en whatever que tu vois sur ton terrain. Genre, ça fait vraiment des situations qui sont vraiment drôles. T'as ça, t'as des jeux comme Murder, où t'as un groupe de 6 personnes, puis dans les 6, il y en a un qui est le tueur. Okay. Fait que ça travaille les amitiés, là, parce que éventuellement, il y en a un qui va juste tout le temps fâcher tout le monde. C'est super, c'est vraiment une super bonne communauté, là. Ça vaut la peine. Là. Surtout quelqu'un en spécial, là. Je vous le conseille fortement. Ça, faut être, je pense, un des jeux avec le code source à l'intérieur. Hein. C'est bien ouais, habituellement, il y en a qui vont soit te demander d'avoir Half-Life 2 ou avoir Counter-Strike. Ok. Est-ce que tu sais, excuse-moi, peut-être que David parle. Excuse-moi. C'est correct. Fait que, Philippe, qu'est-ce que tu disais? Je vais poser ma question après. Je m'en rappelle plus, j'ai une mauvaise mémoire, fait que continue. Regarde, on va vraiment te poser la question. Peut-être que ça va te revenir. Est-ce que coder pour Garry's Mod, est-ce que c'est facile? Moi, je me suis fait dire que oui, mais encore. Je l'ai pas fait. Je pourrais pas vraiment dire. Mais de base, tu as accès à tous les assets. Fait que, rendu là, si tu as accès aux assets puis que tu as le moindrement un minimum de logique, tu devrais être capable de te débrouiller sans trop de problèmes. OK. Mike, as-tu une suggestion de ton côté? Ben moi, à part des traductions, j'ai pas vraiment de hack et d'homebrew vraiment qui me viennent. Là. Ok. Sinon, à part ça... Il y a un jeu, là, ça compte-tu d'un homebrew, ce Mugen? Ah ben oui. Ben ça, c'est un RPG Maker, ça, en fait. Ouais. C'est en fait, tu crées ton fighter, puis tu crées avec tes sprites, tout ça. Mm-hmm. Ouais, pas mal, c'est vrai. Ça deviendrait dans le même genre, je sais pas, c'est quoi le... Tu joues quoi, sur PC, à ça? Oui. Ouais. T'es obligé? Ok. Okay. C'est sur le même principe, dans le fond, tu crées ton bonhomme, tu prends tes sprites, tu mets tes effets sonores, tu mets des valeurs, puis tout. Ouais, c'est ça. C'est comme une engine de jeu de combat 2D, en fait. Mm. Tu mets un bonhomme hyper overpowered contre un bonhomme normal. Tu peux tout faire. Ouais. T'attends, là, tu peux y aller, ouais. Ok. Jug, de ton côté? Ben, je l'ai déjà dit. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Excusez-moi, ça arrive ce soir, c'est le podcast. Juste pour remarquer ce que Mike disait, les traductions et tout ça, ça moi je compte ça dans Homebrew, ben, en tout cas dans le hacking Homebrew, les traductions de toutes les Dragon Quest, étant un fan de Dragon Quest, donc moi je le suggère. Donc ouais, sinon, des traductions, moi je suggérais comme Secret of Mana 2. Ok. Que tu as une copie. On va parler de ça après, oui. Ouais. Puis peut-être Bahamut Lagoon, Tactical RPG de Squaresoft. Jamais sorti ici? Non, évidemment. Non, c'est sûr. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous autres, de ces jeux homebrew qui sortent sur cassette? Ben, c'est génial. Moi, j'aime ça. Ça donne vraiment le feeling d'avoir le jeu chez toi. Là. Mm-hmm. C'est un feeling qui est comme vraiment différent. Là. Tu sors ta petite TV, tu sors ta petite console, tu prends ta manette, puis tu joues. Ah ouais, c'est bien trop hot. Moi, je pourrais bien jouer le Dragon Quest 3 sur émulateur traduit, là, mais c'est pas à même faire pantoute. Là. Moi, je mets ma cartouche traduite sur mon SNES, puis je joue à ça, puis c'est comme revenir dans le temps du Super NES, puis hey, je joue un nouveau Dragon Quest. T'sais. Ouais. Il n'y a pas un jeu ça, dans la même catégorie, Ben. Te souviens-tu du jeu? Ça remonte à loin de ce que je veux dire là. Ouais. Ça remonte à l'an passé, quand on en a parlé. C'est un jeu qui était en vente, qui est un jeu de Super Nintendo, qui était en vente, et ça coûtait 100$. Est-ce que ça dit quelque chose? Ben oui, c'est pour moi qui parlais de ça. Oui, je pense que c'est toi. Oui, mais parce que j'avais acheté la traduction de Time Walk Games de Dragon Quest 1 et 2 sur Super Nintendo. Puis il y avait toute la boîte, toutes les maps, et le manuel, puis toute la kit. Là. Ok, c'est pour ça que ça t'a coûté 100$, parce que moi, ça m'a juste coûté 80$ là, pour Secret of Mana. Ben, c'est ça, ça m'a coûté 100$ parce que 95$ plus le shipping, etc. Là. Mm-hmm. Mais tu sais, ils te fournissent la boîte, puis tout, là, puis c'est vraiment génial. Là. Vous irez voir mon vidéo. C'est une vraie boîte avec l'intérieur aussi, c'est l'intérieur d'une vraie boîte puis tout, là. Oh oui, c'est un livret. Oh oui, tout. Le livret est traduit? Non, mais ils ont fait leur propre livret, leur propre boîte, okay. Et etc. Là. Avec une thématique puis toute la kit. OK. Puis c'est légal. Ben, les reproductions en tant que telles sont pas légales, mais il n'y a pas une compagnie qui court après. Ok. C'est quand même bizarre parce qu'ils courent après le monde qui font des vidéos jeux et qui distribuent. Mais quand c'est le temps des traductions et tout ça, ils touchent pas. Dans le fond, c'est, ça leur enlève rien parce que tu sais, ils l'avaient pas de toute façon dans cette langue-là. Ben, c'est quand même un peu difficile de dire qu'ils perdent de l'argent avec ça parce que c'est des systèmes qui sont même plus en vente sur le marché. Mmh. Moi, ouais. Je pense par exemple à Mothers. Il y a plein de reproductions de Mothers 1 sur NES. Le jeu, il est pourtant traduit, mais Nintendo n'a comme... Non, snobé, dans le fond. Ils l'ont snobé. Ils pourraient même le sortir sur la Virtual Console. Je pense que ça sortirait, ça se vendrait comme un petit pain chaud. Mais il non. Il fait un siège, c'est clair. Ah, ça, c'est ouais. Sûr. Même à 5$, il s'en fait. Tu dis cash, tu penses, oh boy. Nintendo, hey, je te rappelle, t'as des petits bons jeux qui peuvent être là-dessus. Puis, ouais, Time Walk envoyait leur jeu rapper, là, comme en magasin, puis tout le kit, là. La question que je me demande par rapport à ça, c'est, je pense qu'ils le font pas, là. Est-ce qu'ils contactent les auteurs originaux des patchs? D'après moi, ils le font pas, là, pour leur demander la permission, là. Ils n'ont pas le temps à perdre, entre guillemets, à perdre pour ça, là. Mais de toute façon, je pense pas que les traducteurs avec les patchs, ils vont commencer à faire des poursuites puis des trucs machin, parce que déjà partant, ils prennent ils font quelque chose d'illégal. Parce que j'en ai entendu quelques-uns qui trippaient vraiment pas de voir leur traduction produire des cassettes comme ça. Là. Ouais, mais tu veux faire quoi? Tu peux pas rien faire, effectivement, c'est vrai. Je veux dire, déjà, tu fais quelque chose d'illégal, puis tu chiales que quelqu'un utilise quelque chose d'illégal, tu sais. Moi, ça ne dérangerait pas qu'il y ait une tradition que j'ai faite quand même sur cassette. J'aimerais juste ça qu'ils me le disent au moins. Ouais, mais d'habitude, ils le disent. Parce que, ben, gars, comme là, je regarde sur ma boîte de Dragon Quest P1, puis c'est marqué Original Translation by RPG1. Fait que. Ouais. Ils ont crédité le groupe qui ont traduit le jeu. Ok, ils le traduisent, ils mettent ça à boîte. Pas. Moi, j'ai. C'est la cassette de Secret of Mana, ils disent aucunement que c'est Neil Corlett qui l'a traduit. Là. Ok. Suite à moi, je pense qu'ils ont été pas mal fair là-dessus. Là. Ok. Puis, un jeu, normalement, si vous voulez l'acheter en cassette. Parce que je me rappelle, Jog, dans ta critique du GNM, tu disais que les jeux que vendait Blue Griffin, comme 80-100$, tu trouvais ça que c'était. Vendait, effectivement. Mais parce que. Ils vendent 80$ comme un vrai jeu, mais même pas de. Ça change pas le fait que c'est une cassette, tu le prends sur ta SNES, puis c'est jouable. Sauf que là-dessus, je suis d'accord avec Jog. C'est parce que l'affaire, c'est que moi, je connais les prix pas mal parce que je suis pas mal dans l'entourage des reproductions, puis tout ça. Mm-hmm. Puis je voyais les titres qu'il y avait, puis je me disais, ils chargent 30-40$ de plus que ce que je peux avoir sur Internet. Là. Ouais. Ok. Il y avait justement le Metroid Redesign, puis etc. Là, puis je peux l'avoir à, je pense, à 55-50$. Là. Lui, il vendait, je sais pas, 80, quelque chose. Ouais, tu sais, puis Time Walk, tu peux en avoir même de ces jeux-là, mais avec la boîte, les manuels, puis tout le kit pour le même calice de prix. Fait que là, tu te dis, what the fuck? Ouais. Moi, je pense à un jeu en particulier que j'ai beaucoup apprécié en homebrew, là. Battle Kid pour NES. Oui, mais ça, c'est un jeu complètement original. C'est vraiment cool comme jeu, là, puis je me suis commandé une cassette, alors je vais avoir la cassette prochainement. Ouh. Mais c'est vraiment, j'ai joué en émulateur, j'ai vraiment trippé sur le jeu, puis tellement que je vais acheter celui-là, puis j'attends juste que le bouton sur le site de Retro USB, là, qui dit temporairement indisponible pour Battle Kid 2, soit comme réactivé pour acheter, là. Ben, je vais m'acheter une copie de Battle Kid 2, juste parce que j'ai vraiment trippé sur Battle Kid 1. C'est vraiment cool. Là-dessus, on va aller voir les questions de nos fans. Oui. Puis leurs commentaires, parce qu'ils en ont. Ils s'agacent beaucoup en ce moment. Oui, c'est ce qui est très, très bon. D'abord, une question pour Jug. Est-ce que tu connais le manga de Dragon Ball également intitulé Fly? Ben, non, pas spécifiquement, mais je sais c'est quoi Dragon Ball. Là, parce que c'est quand même... Quest. Dragon Quest, en fait. Ah, ok, j'étais là. What? Erreur du pitcher. Je suis un fan des jeux de Dragon Quest, pas les mangas. Mm. Antithèse, parles-tu du jeu Nightmare Buster? Je pense que c'est ce jeu-là que je voulais que je faisais référence, ouais. Ok. Ça va l'air assez selon les recherches rapides que j'ai faites, là. Ok. Il y a Super Dark Zane qui dit que Mother 3 n'a jamais sorti par ici. Non, on a juste eu Earthbound qui est Mother 2. Donc, on l'a pas eu. Super Dark Zane. Je voulais juste dire que si vous voulez une reproduction de Earthbound Zero, c'est ça que vous cherchez sur Internet si vous voulez avoir une cartouche NES. Mm-hmm. On a également Super Dark Zane qui dit j'ai essayé Maverick Hunter 1, 2, 3, c'est un RPG Mega Man. Moi, je ne connais pas. Moi, j'ai joué au... c'était un Dragon Ball RPG. C'était fait de façon Super NES, mais genre, c'était des combats de cartes. Ouais, je pense que je m'en rappelle. Ouais, je pense que j'avais joué à ça. C'était pas très bon. Ouais, genre, je pense que pour battre ces Raditz, il fallait que t'aies la carte de Gohan qui pète sa coche, genre. Parce que sinon, tu perdais le combat non-stop. Il fallait que tu le saches en tabarnak. J'ai perdu souvent ces bouts-là dans le jeu. Je me suis tanné assez souvent. Oh, moi, je me suis tanné après un bout de temps. J'ai fait comme « Ah, oh, fuck, là. » Pour passer à d'autres choses. Il y avait tellement d'autres bons jeux. Ouais. Sinon, ici, qui d'autre nous discute? Il y a Kevin Doré qui parle de Donkey Kong Country en 3D avec des voix québécoises. Ça vous dit quelque chose, ça? Oui, ouais. C'est une télé. C'est une télé. Ça joue à Télétoon la première année. C'est une merde. Vraiment pas bon. Quel mauvais pire. C'est mauvais. C'est parce que, tu sais, ils essayaient tellement de faire une série familiale, mais tu sais, ils ont fait une série familiale, ils ont fait ça, oh, on va faire ça 3D, ça va être cool, mais l'histoire suivait pas, l'histoire était tellement mauvaise. Ouais. Je sais pas si c'était raconté par un enfant de 3 ans. Là. Puis c'était genre l'émission qui avait lancé Télétoon. Genre Télétoon arrivait à ses télévisions, puis c'était Donkey Kong arrivait à télé. Ah ouais, oh my god! Oh my god! C'était de la merde! Mm-hmm. C'était très très mauvais. Ah, c'était juste ça. Mm. Fait que, non, c'est ça. Il dit. C'est pratique pour avoir un jeu qui se vend pas ici, de l'avoir en forme lisible ici. Il parle des Kevin Doré parle des ROM retraduites et remis en cartouche. Effectivement. Comme là, moi, il y a Mothers que je veux avoir. Sauf que le site que j'ai trouvé, c'était. Fallait que j'envoie une cassette NES au gars pour qu'il puisse me la reprogrammer. Il m'a envoyé la copie de Mothers. Parce que ceux qui font des traductions, il faut qu'ils utilisent du matériel qui existe déjà physique. Donc, il faut qu'ils trouvent les bonnes cartouches avec les bonnes puces puis les bons boards pour être capable de reprogrammer des chips pour les installer dessus. c'est pas simple, là. C'est pas une job simple. Puis je peux comprendre pourquoi que les prix des jeux de même sont élevés parce que c'est une job. Là. Moi, j'ai déjà essayé d'en faire une. Là. Okay. Je te garantis que ça vous prend du matériel, puis ça vous prend de la patience, puis il faut avoir des connaissances en soudure puis en électronique. Là. Mais tu fais quoi, une cassette à la fois? Oui, t'en fais pas 50. Là. C'est ça. Eh ben. Oups! Les souvenirs, c'est assez difficile parce qu'il y a tellement de puces différentes, genre les marqueurs qui appellent, là. Ouais. Super NES, c'est quand même plus commun, les boards, fait que c'est comme plus facile, mais sur NES, ça n'a pas l'air évident. Là. Non, vraiment pas. Je pense qu'on va clôturer notre podcast ici. On va commencer avec Michael. Comment on peut te rejoindre sur les internets? At Michael Larouche sur Twitter. Mais un moyen pour te contacter? Oui. C'est bon. Antithèse, comment on peut te rejoindre sur les internets? On peut me rejoindre sur par courriel à anthese@yahoo.ca ou gmail.com. Vu le sujet sur les jeux Homebrew, si vous voulez vous essayer sur les jeux de Metroid hacké ou les jeux de Zelda hacké, dans l'ordre respectif, c'est metroidconstruction.com en un mot ou zeldaclassic.com en un mot. Et pour finir, eh bien, la meilleure façon de me contacter, c'est sur accrodesjeux.com dans le forum. Arcade Retro, comment on peut te rejoindre sur les internets? La meilleure façon de me rejoindre sur Internet est sur Arcade Retro 83 sur le compte YouTube. On peut me rejoindre également sur Facebook. Mais la meilleure manière, c'est sur le site d'Accro des Jeux et également sur mon profil d'Accro des Jeux. Il y a tous les liens vers justement mon YouTube et mon Facebook. Joe, comment on peut te contacter sur les internets? Ben, premièrement, vous pouvez me contacter sur le forum officiel d'Accro des Jeux sur le nom de John Vorpal. Sinon, vous pouvez me contacter sur ma page Facebook, Jonathan Gaudreau, ou sur mon site web, l'entreducgeek.com. Et juste un gamer, comment on peut te rejoindre sur les internets? Alors, vous pouvez me rejoindre sur ma chaîne YouTube. J'accueille à bras ouverts tous les nouveaux abonnés et tous ceux qui me laissent des commentaires. Et aussi ma page Facebook. J'aimerais qu'il y ait plus de j'aime sur ma page Facebook que j'en ai sur YouTube, au moins égal. Ça serait super. Donc, vous pouvez y aller tout de suite et liker ma page. Moi aussi. Et aussi par le site d'accrodesjeux.com. Parce que chez accrodesjeux.com, on peut discuter de plein de sujets full intéressants. Comme des boîtes que Jog fait. Oui! Ou de le sujet du homebrew, hein? Mm-hmm. Des boîtes homebrew. Tout à fait. Et qui sont magnifiques. Merci. Très belle qualité. Eh oui. De mon côté, il y a plusieurs façons de pouvoir me contacter. Vous pouvez tout d'abord me contacter via le groupe Facebook des accros des jeux, facebook.com/accrosdesjeux. Il y a également le Twitter des accros, en commercial accros des jeux. Vous pouvez également me contacter via le forum des accros des jeux. Allez cliquer sur l'onglet forum, vous pouvez me contacter là-dessus. Et également, il y a le courriel des accros des jeux. Je sais que vous avez hâte du moment que je vous parle du courriel des accros des jeux, parce que chaque semaine, je vous parle d'un courriel que j'ai reçu. Et aujourd'hui, j'ai reçu un courriel de la part de FedEx Delivery Service, une certaine personne qui s'appelle Kirsty Annelly, qui me dit qui me dit claim notification. Oui, the management of FedEx Courier Service here in South Africa. Nous voulons vous confirmer. Je vais vous traduire très rapidement. Il nous dit que nous avons en notre possession un paquet contenant un chèque international d'une somme de 500 000 $. 1 milliard. Et qui est prêt à être délivré à votre porte. Pendant ce temps-là, ben, pour que je puisse recevoir mon courrier, ça veut dire qu'il faut que je reconfirme mes informations qui sont ici, mon nom, mon adresse, mon âge, mon sexe et mon numéro de téléphone. Écoute, alors, ça, vous oubliez le NIP de ta carte. 1, 2, 3, 4, QWERTY, du sexe, tu marques maison puis t'es en business. Non, mais au final, il donne les informations de quelqu'un que tu détestes. Non, ne faites pas ça. Mais imagine si c'est vrai pour de vrai. Il y a comme du monde qui regarde le chèque. Il est tellement honnête parce qu'il me dit qu'il n'y aura aucun frais sur le thème qu'ils vont m'expédier l'argent. Il n'y a pas de frais, mais là, vas-y. Ah, ben oui, écoute. Le deal du siècle. Ah, tout à fait. Fait que là-dessus, merci de m'envoyer ces messages-là. Merci de m'envoyer à chaque semaine 500 000 $. Écoutez, je peux pas croire que vous pensez tellement à m'envoyer de l'argent. Vous le savez. T'es gagnant à vie. C'est gagnant à vie totalement. Alors, mais si vous voulez vraiment m'envoyer un vrai courriel, vous pouvez m'envoyer ça à accrosdesjeux@commercial.gmail.com et ça me fait un plaisir de vous répondre à tous les vrais messages que je reçois et non pas les offres de 500 000 $ ou bien des offres de sexe. Désolé, j'ai déjà une fiancée que j'aime plus que tout. L'offre a été refusée. Oh, cute! Arcade Retro va accepter. Soyez avec nous la semaine prochaine. On va parler de la Dreamcast. Oh, fuck oui. Ça va être un excellent épisode qu'on va vous offrir. Et soyez pas également présents sur le site des accros des jeux jeudi prochain parce que l'entrevue que j'ai obtenue avec Joueur du Clonier et Astor Alpha sera publiée sur le site internet des accros des jeux. Donc, c'est un événement unique qui a eu lieu lors du Janim et vous allez pouvoir voir l'entrevue que j'ai réalisée avec les deux équipes ensemble. Et également, je vous rappelle que nous avons aussi notre boutique qui est maintenant disponible sur le site internet des accros des jeux où vous pouvez aller vous chercher des nouveaux t-shirts des accros des jeux avec le tout nouveau logo des accros des jeux. Donc, allez vérifier si... allez vous chercher un nouveau t-shirt si jamais vous aimez les accros des jeux. Et d'ici là, c'était le Big Ben. Antithèse. Juste un gamer. Arcade Retro. Joe. Et Mike qui est avec nous aussi ce soir. Merci beaucoup d'avoir été présent. On se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde. Bye bye. Bye. Toulou.